to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Merci beaucoup. Alors, bonjour, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire où on ose parler d'économie en démontrant que c'est autre chose que la cote Moody's, le PIB ou le rendement des actionnaires. Non, non, non. L'économie, c'est d'abord parler des humains. C'est ce qu'on fait avec plaisir chaque semaine. Et pour ce faire, je fais la lecture d'extraits de livres que j'ai choisis, des livres qui traitent d'économie directement ou au sens large. Un livre par semaine, une heure entière consacrée à ce livre et un invité pour en parler, avec une entrevue où on a le temps d'aller au fond des choses. Ça fait du bien, vous verrez d'ailleurs. En fait, vous entendrez, c'est plutôt ça. Bienvenue à Econophile. Et j'aime beaucoup recevoir vos commentaires, vos questions. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a écrit pour me demander si toutes les émissions allaient être disponibles sur le site de CKRL ou encore sur le blog. En fait, la réponse est oui. En fait, sous peu, les émissions seront toutes disponibles sur le blog de l'émission. Blog que l'on trouve sur la page Facebook de l'émission. C'est plus facile à mémoriser que l'interminable adresse du blog. Bref, vous allez sur Facebook, facebook.com/Econophile891. Hein, on est au 89.1, donc Econophile891. Aimez notre page, comme ça, ben, vous serez au courant de ce qui s'en vient. Vous pourrez lire des compléments, des articles et choses intéressantes qu'on publie. Et puis oui, vous trouverez le blog sous le bandeau, on voit le bouton « En savoir davantage ». Vous cliquez et puis hop, ben, vous vous retrouvez sur le blog. Bientôt, vous y trouverez toutes les émissions, mais pour l'instant, ça nous amène à la balado de CKRL qui garde les trois dernières émissions. C'est quand même pas mal. Sur le blog, outre ça, on trouve des textes inspirés des livres qui sont lus chaque semaine. On y ajoute même des liens vers les maisons d'édition. On est quand même très gentils, hein, ou libraires, là. Au cas où vous seriez tenté de faire des cadeaux de Noël, par exemple. Et j'ai même pas de cote là-dessus, c'est gratis, c'est sans pot de vin, sans cote, sans pourcentage, sans cadeau. C'est rare de ce temps-là. Profitez-en. Et cette semaine, on se gâte encore une fois. Je vous fais la lecture d'extraits du livre qui a fait un petit malheur dans les lycées français. Je parle du livre « Les vraies lois de l'économie » de Jacques Généreux, l'économiste hétérodoxe que l'on aime bien ici à l'émission. C'est un livre qui n'est pas tout récent quand même, mais le propos est très, très actuel, ça, vous le verrez. Il détricote, comme sait si bien le faire l'économiste Généreux, les idées reçues, les supposées lois de l'économie. Ça fait du bien, ça, je vous promets. Et puis notre invité, vraiment, restez à l'écoute pour entendre ce qu'a à nous dire Gérald Filion, le journaliste économique de Radio-Canada, bien connu, sauf erreur, le plus cité des journalistes économiques, avec un blog très, très intéressant. Je vous le recommande chaleureusement. Ça vaut la peine d'aller lire ce qu'il écrit régulièrement d'ailleurs. Il le nourrit beaucoup et très bien, son blog. C'est un propos que vous entendrez ici, qui est à l'image du blog, c'est-à-dire propos mesuré, pertinent et très réaliste par rapport à la situation de l'économie en général. On sent un homme touché, préoccupé par le sort de notre société. On parle du Québec avec lui, du monde, de l'environnement, de Donald Trump, des jeunes, des médias. Alors, je vous jure que vous apprécierez chaque seconde de discussion que j'ai eue avec lui. Vraiment. Bonne émission. Donc, les vraies lois de l'économie de Jacques Généreux et dès le départ, on retrouve ce ton direct, franc, le ton du justicier, oui, tout à fait, qu'on apprécie d'ailleurs beaucoup, qui a envie de défaire des mythes, de nager à contre-courant pour dire les vraies affaires, mais tu sais, les vraies affaires, là, pas les vraies affaires qu'on essaie de nous faire croire que c'est les vraies affaires, là. Non, c'est pas ça les vraies affaires, ça c'est... de la manipulation de masse, c'est de l'abrutissement collectif, c'est du tournage de coins ronds, c'est du vide vendu en camion-citerne, du sourat des pâquerettes, mais ça n'a donc rien à voir. Les vraies affaires, pour les dire, pour les écrire, faut lire, réfléchir, se documenter, analyser, sous-peser. Et Jacques Généreux le fait fort bien. Dans les premières pages du livre, il fait un rappel des classiques du néolibéral, de l'école néoclassique en économie, celle qui... c'est tellement ce qui est bon pour nous. Cette école qui nous dit que les lois du marché, ça marche. Ce sont des lois immuables, parfaites, qui s'ajustent en toutes circonstances. Des lois d'une économie qui nous enrichit collectivement, qui fait la pluie et le beau temps, la roue à trois boutons, tu sais, le paradis. Et alors, ces lois, il les appelle des piliers. Il écrit à ce propos... Rappelons brièvement ces six piliers de la prétendue sagesse économique avant de mettre en regard les six premières vraies lois que l'on peut raisonnablement leur opposer. 1. Les lois établies par la science économique sont comparables aux lois de la physique. Elles révèlent des réalités immuables et incontournables par la volonté humaine. 2. La valeur réside uniquement ou principalement dans la production de biens et services marchands. 3. Le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande assure l'équilibre général des marchés. 4. Le libre jeu de la concurrence garantit l'usage le plus efficace des ressources. 5. Le rôle économique de l'État et du politique se cantonne à la production de quelques biens publics. 6. La justice est un problème strictement politique dont le règlement est indépendant du choix du système économique. Mais une économie de marché libre est une condition prérequise d'une meilleure justice parce qu'elle maximise la richesse à partager. En bref, le paradis est pavé de marchés concurrentiels. Les hommes n'auraient, à de rares exceptions près, qu'à se soumettre aux lois d'évolution mécanique de ces marchés pour voguer naturellement vers l'optimum social. Cette première vision nous décrit un monde de rêve, mais au sens propre du terme. On ne le rencontre que dans les songes. Comme l'écrivait Keynes, pas Patrick Keynes, mais l'économiste Keynes, au sujet de ce discours qui dominait déjà dans les années 30, 1930 pour les jeunes, il se peut que la théorie classique décrive la manière dont nous aimerions que notre économie se comportât. Mais supposer qu'elle se comporte réellement ainsi, c'est supposer toutes les difficultés résolues. Effectivement, c'est une manière, on pourrait dire, particulièrement naïve de voir l'économie, façon qui correspond pas du tout à la réalité et qui, en fait, surtout simplifie à outrance les choses, comme si c'était une table de lois. Elles sont là, il n'y a rien d'autre à faire que de les accepter et les suivre. Comme si le marché ne cherchait qu'à équilibrer les choses parfaitement, faisant toujours les bons choix, comme si ceux qui détiennent le capital vont automatiquement choisir d'investir pour combler un besoin réel ou celui qui est le plus urgent, plus important que d'autres inutiles, mais plus payant. Voyons. Jacques Généreux préfère vous présenter ce qu'il considère comme étant une vision plus juste des choses, de ce que pourraient être ses lois de l'économie. Alors, il écrit là-dessus, donc ses lois en tant que telles, la première partie. Loi numéro 1. Les lois de l'économie sont les lois des hommes. Si elle existe, les lois de l'économie ne sont pas une mécanique naturelle et invariable. Elles sont fondées sur des conventions, des règles et des institutions créées par et amendables par les hommes. Loi numéro 2. Ce qui a de la valeur n'a pas de prix. La valeur ne réside pas dans les seules productions marchandes, mais dans toute activité qui contribue à la satisfaction des besoins humains. Et même dans la sphère marchande, la valeur ne se mesure pas par le seul prix des biens. Loi numéro 3. La loi du déséquilibre général. Le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande conduit au déséquilibre général des marchés. Loi numéro 4. Le marché ne fait pas le bonheur. En l'absence d'une régulation politique forte, la libre concurrence ne garantit en rien un usage efficace des ressources et détourne même celles-ci de leurs emplois les plus urgents et les plus légitimes pour l'humanité. Loi numéro 5. L'État ne fait pas le bonheur. Il n'y a pas plus de domaine réservé à l'État que de domaine réservé au marché. Au nom de la justice et de la gestion des effets externes, des actes privés, le politique peut intervenir dans tous les domaines d'activité. Mais pas plus que le marché, l'État n'est capable de produire un optimum social en appliquant des règles quelconques qui lui seraient dictées par la science. Il ne peut s'approcher de l'optimum qu'au travers d'une vraie démocratie qui reste, hélas, à construire. Loi numéro 6. La véritable efficacité, c'est la justice. La véritable justice, c'est l'égalité des libertés. Loin d'être séparable du choix d'un système économique, la justice est le problème économique majeur et intrinsèquement lié à toute question économique, et ce, pour deux raisons. 1. Toute action en vue d'assurer un usage plus efficace des ressources affecte la répartition du bien-être entre les individus et soulève donc le problème de la juste répartition. 2. Si l'efficacité d'une société se définit par l'adaptation optimale de ses moyens aux fins qu'elle poursuit, une société efficace est avant tout une société juste. Et s'il n'existe à ce jour aucune définition universelle et incontestée de la justice, un quasi-consensus se dégage néanmoins pour penser qu'une société juste offre une égale capacité d'exercer les libertés qui permettent aux hommes et aux femmes de mener leur vie selon leur conception. Alors, première partie de la passionnante discussion que j'ai eue avec le journaliste Gérald Filion. Ici, on parle de l'économie au sens large. Et puis, vous verrez avec un intéressant segment où on parle de la désinformation, de l'importance de redonner la place aux faits. Et en ces temps où on a un candidat républicain qui se fout complètement de ces principes-là, c'est encore plus important de le dire. Alors, on écoute ce que ça donne. Il est intéressant de voir l'économie. Bon, évidemment, quand on, particulièrement dans votre cas, quand on anime une émission d'économie, souvent on va penser qu'il s'agit de code de la bourse, de rendement, productivité, bilan des entreprises. Or, ce qui est intéressant, et notamment quand on lit votre blog, c'est qu'il y a moyen aussi d'avoir un recul, de regarder ça un peu dans l'ensemble. C'est quoi, vous, votre appréciation générale, je sais que c'est large comme question, mais de l'économie, de la place que ça peut occuper? Ben, écoutez, moi, depuis presque 15 ans, je fais de la couverture économique. Donc, je parle des nouvelles économiques, je les rapporte. Et avec le temps, j'ai développé beaucoup plus d'analyse, de contextualisation, d'explication des enjeux économiques. Et moi, je ne suis pas un économiste. Donc, mon approche a toujours été journalistique. J'ai toujours voulu être journaliste. Je suis journaliste. Et je le suis en économie, ça aurait pu être un autre secteur, mais c'est l'économie qui est arrivée à moi. Donc je me suis dit comment je couvre l'économie, comment je parle de ce sujet-là. D'abord, je m'informe, et deuxièmement, j'ai toujours eu le désir de placer l'économie au cœur de ce que c'est, au cœur des enjeux sociaux, politiques, collectif et de parler des différents enjeux qui touchent la société, que ce soit l'éducation, la santé, l'environnement, les sports, la culture, et de se rappeler que tous ces enjeux-là sont aussi des enjeux économiques, comportent aussi leur part de préoccupation ou d'ambition économique. Alors, c'est ça que j'ai en tête quand je parle d'économie. Et quand je regarde donc l'ensemble de l'économie, bien sûr, il y a la bourse. Parce que la bourse, c'est quoi? C'est des entreprises avec des actions et des actions possédées par des actionnaires, par des fonds d'investissement et qui sont là pour gérer nos retraites plus tard. Puis on veut tous avoir une bonne retraite qui nous attend avec des rendements intéressants. Ça, c'est la bourse. Mais ça, c'est un aspect du monde de l'économie. Il y a le marché du travail, l'emploi. Il y a le rapport de l'entreprise avec la société, avec la collectivité, avec la planète, avec l'environnement. Alors, il y a la place de l'État aussi. Quel est le rôle de l'État dans la création d'emplois, la création de richesses, mais surtout la redistribution de la richesse? Il y a tellement de facettes au mot économie, qui est l'ordre dans la maison, en quelque sorte, qu'on ne peut pas se restreindre à parler d'économie en donnant les codes de la bourse. C'est beaucoup plus que ça. Mais en même temps, il faut aussi, j'imagine, constamment replacer les concepts parce qu'on vit dans un univers où, particulièrement dans les communications, réseaux sociaux, il est très facile, par exemple, de dire « Ah, l'État n'a pas d'affaires dans l'économie », et vous trouverez l'équivalent inverse en disant « Non, l'État doit être là ». Comment on fait la part des choses là-dedans? Moi, je trouve qu'on doit apporter de la nuance, on doit apporter des faits. On est dans un monde en ce moment où on est en train de perdre le Nord, et pas à peu près, parce qu'on vit dans un monde de désinformation. On n'a jamais eu accès à autant d'informations, mais on n'a jamais été aussi mal informé, aussi désinformé. Il y a une quantité de gens, malheureusement grandissante, qui font confiance à des sources d'informations qui ne sont pas dignes de confiance. Donc, moi, mon rôle comme journaliste, nous, notre rôle à Radio-Canada, à la presse, au Soleil, au New York Times, au Jérusalem Post, nommez-les les grands médias traditionnels et les grands médias internationaux puis les grands médias locaux, le rôle qu'on a, c'est de faire de la nuance, c'est d'expliquer les faits, c'est de donner la parole à différents intérêts puis à différents points de vue, c'est de faire entendre plusieurs points de vue pour permettre aux gens de réfléchir et de se faire une idée puis d'aller voter après ça. On a une obligation d'être nuancé et d'être factuel, puis on a une obligation de dire la vérité aussi. Si Donald Trump dit quelque chose qui est faux, nous avons le devoir de dire ceci est faux. Il faut pas juste dire « Ah ben oui, Donald Trump dit ceci, il a le droit de dire » Non, si c'est faux, et même chose pour Mme Clinton, c'est quelque chose qui est faux, il faut le dire publiquement. C'est notre rôle de faire ça. Mais il y a quand même une nuance, hein, pour ben évidemment, je vais saisir l'occasion Trump, parce que Trump est aussi, c'est assez particulier, c'est là où même ceux qui ne sont pas factuels vont se permettre non seulement d'avoir les devants de la scène, mais là, c'est la possibilité de devenir président des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est particulier, là. Ouais. Ben, c'est ça. Lui, il a un intérêt politique, il a une stratégie. Madame Clinton a un intérêt politique, elle a une stratégie. Alors, chacun a leur stratégie. Et Donald Trump, dans ce qu'il dit, et tous les médias qui ont fait de la vérification de faits, constatent qu'il y a beaucoup d'exagération, qu'il y a des choses qui sont fausses, qu'il y a des choses qui sont floues, qui sont déplacées. Il y en a un petit peu chez Madame Clinton aussi, mais il y en a beaucoup plus chez Donald Trump. Et donc, ce discours-là, politique, qui est une part composée de faits qui n'en sont pas, d'informations qui ne sont pas vraies, d'une part, est composée aussi de discours, d'informations qui ont pour objectif d'aller chercher des gens qui sont déçus aussi, hein, déçus de l'économie, déçus de la délocalisation, de la mondialisation, du libre marché, donc d'utiliser en quelque sorte aussi les peurs face aux immigrants, de prendre tout ça, d'en faire un discours et d'amener les gens vers quelque part qui vont les décevoir aussi. Ils vont être déçus aussi parce que Donald Trump va pas justement mettre 11 millions d'immigrants dehors, puis il va pas mettre au banc de la collectivité la Chine, par exemple, puis il va pas fermer les frontières américaines, ce ne serait pas dans l'intérêt des États-Unis. Donc, ils vont être déçus du résultat aussi si c'est lui qui est président, si c'est bien ça le problème. Donc, c'est on est là-dedans en ce moment, et c'est beaucoup, je dirais, le pouvoir d'Internet et des médias sociaux, vous l'avez dit, qui donne une réverbération incroyable à ce discours-là, et qui va coller dans le cerveau d'un paquet de gens qui malheureusement laissent entrer ces informations et les croient. Ouais. Bien belle discussion, bien amorcée. Vous l'avez entendu, le rôle des médias dans tout ça, ils ont évidemment une énorme responsabilité, idem pour Internet, les médias sociaux qui donnent, dit-il, une réverbération incroyable à ces opinions-là, aux mensonges aussi, bien sûr. Donc, on revient au livre de Jacques Généreux, qui lui aussi parle des mensonges que l'on voudrait nous faire passer pour des lois divines. Ah, ben c'est ça, immuable, comme on disait. Je vous ai présenté les 6 premières lois qu'il détaille dans son livre, car oui, il les présente rapidement, mais ensuite les aborde là, une à une pour expliquer plus longuement le fond de sa pensée. Il y en a 5 autres. On parle de concurrence, d'impôts, de monnaie. Alors, il dit ceci. Loi numéro 7, la mauvaise concurrence chasse la bonne. La généralisation d'une concurrence parfaite serait une catastrophe économique, car les vertus de la concurrence ne tiennent pas seulement à la liberté des acteurs, mais aussi aux institutions et réglementations qui l'empêchent de dégénérer en guerre économique. Loi numéro 8, l'impôt n'est pas un prélèvement obligatoire. La baisse des impôts n'est pas plus prioritaire que la baisse du prix des automobiles, puisque tous les biens privés ou publics, marchands ou non marchands, sont également créateurs de richesses dès l'instant où ils satisfont des besoins. L'impôt n'est donc pas un prélèvement sur des richesses qui seraient créées par la seule sphère marchande. Il est le prix à payer pour la création d'une richesse. Le bon niveau de l'impôt n'est donc pas le plus bas possible, mais celui que les citoyens d'une démocratie effective sont disposés à payer pour la production des services collectifs. Loi numéro 9. Rien ne vaut une bonne politique. Si la quête d'un État minimal et d'un marché maximal n'est en rien fondée sur le plan microéconomique, il en va de même sur le plan macroéconomique. Les déséquilibres macroéconomiques sont inhérents au fonctionnement réel des marchés. En tout, dans la pratique comme dans la théorie, indique que pour corriger ces derniers, les politiques keynésiennes demeurent des outils indispensables et efficaces. Autrement dit, donc, c'est bien quand l'État s'en occupe. Loi numéro 10, la monnaie n'est pas neutre. Contrairement au postulat classique actualisé par le monétarisme, la monnaie n'est pas neutre. Elle a des effets réels sur l'investissement, la croissance et l'emploi, et pas seulement sur les prix. La politique monétaire est donc un outil irremplaçable de régulation de l'activité, et la rationalité des anticipations ne change rien à l'affaire. Et enfin, loi numéro 11, anticipation n'est pas raison. En effet, si les anticipations étaient parfaites, elles renforceraient plutôt l'efficacité des politiques publiques à chaque fois qu'elles sont nécessaires. Là, anticipation n'est pas raison. Dans le monde réel, l'insoutenable légèreté des anticipations fait parfois peser des menaces de crise systémique qui appellent plus et non moins de régulation politique. Soutenir que les lois de l'économie établissent en réalité la nécessité d'une régulation politique n'implique en rien une confiance aveugle dans cette dernière, ni le rejet de tous les bienfaits d'une économie de marché et de la concurrence. La main invisible, censée conduire des choix égoïstes vers l'intérêt général, n'agit pas plus sur le marché politique que sur les marchés financiers. De même que la sphère marchande a besoin de la main visible du politique pour éviter le chaos économique, écologique et social, la sphère politique a besoin de la main visible des citoyens pour organiser l'évaluation, le contrôle et la sanction de l'action publique. Le marché a besoin du politique, la politique a besoin d'une démocratie effective où la souveraineté du citoyen ne serait pas qu'une formule. Alors oui, voilà, les lois sont énoncées. Maintenant, deuxième partie de l'entrevue avec Gérald Filion. On va parler des élites déconnectées, effectivement, du fait que les discours manquent d'explications parfois et que ça crée de la déception chez ceux qui les entendent. Ça crée de la frustration aussi, bien entendu, hein? Ce qui fait que ces gens-là deviennent une espèce de terreau fertile pour les démagogues et les populistes. Alors voici Gérald Filion. Vous avez dit vous-même dans votre blog, un des billets particulièrement intéressants, vous parlez des élites qui sont déconnectées. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur le fait que, oui, il y a des discours qui se disent et qui sont excessifs et ou faux dans une certaine mesure, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez par rapport à ça, les élites et, disons, l'économie réelle des gens et des besoins réels de la population? Là, je vais vous répondre en prenant l'autre partie. Tantôt, on parlait de Donald Trump, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de sa stratégie. Maintenant, parlons des gens qui vont voter pour lui ou des gens qui votent pour Marine Le Pen en France, des gens qui votent pour des partis populistes ou d'extrême droite, des gens qui ont voté pour le Brexit aussi au Royaume-Uni, qui a été, il faut le dire, même si c'est tout à fait légitime et démocratique que le choix que les Anglais ont fait, je remets pas ça du tout en cause, mais disons que le discours pour Brexit a été porté par un parti d'extrême droite, l'UKIP, et par un leader, M. Johnson aussi, qui avait des propos qui pouvaient ressembler parfois à Donald Trump. Oui, versé dans l'excès. Ouais. Oui, exactement, versé dans l'excès. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, dans le discours plus progressiste ou plus posé ou plus nuancé, de droite et de gauche d'ailleurs, parce que c'est pas être nuancé là, c'est pas ça appartient pas aux gens de gauche nécessairement, ça appartient aussi aux gens de droite. Mais qu'est-ce qui puis je vous dis ça parce que dans le fond on est même plus dans le discours droite-gauche, on est dans le discours qu'est-ce qui est bon pour le bien public, dans l'intérêt public, par rapport à ce qu'on vous fait croire. On vous fait croire que on va mettre dehors les immigrants, puis on va fermer les frontières, puis on va mettre fin au libre-échange, puis on va donc vous régler vos problèmes, vos salaires vont monter, puis on va commencer à créer de l'emploi. Alors, moi, je trouve que quand je vous parle de déconnexion, c'est que ceux qui croient au libre-marché l'ont très mal expliqué, disons ça comme ça, premièrement, au niveau de la communication. Deuxièmement, ceux qui croient au libre marché, l'ouverture du marché et le libre échange, ont peut-être oublié de s'occuper de ceux qui sont les perdants dans ça. Parce que on peut regarder le résultat net, puis se dire et penser et constater et voir ou prévoir que le résultat net d'un accord de libre échange avec l'Europe, par exemple, avec le Transpacifique, peut être positif. Mais dans le net, donc il y a des plus, il y a des moins, il y a des gens qui sont perdants. On a oublié de s'occuper des gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur salaire, qui perdent leur vie, qui perdent leur qualité de vie, qui perdent leur usine. On a oublié ces gens-là. Donc, la déconnexion, elle est là. Vous arrêtez pas de dire que c'est merveilleux le libre-échange et l'ouverture des marchés. Pendant ce temps, il y a de plus en plus de gens déçus et il y a de plus en plus de politiciens qui récupèrent ce discours-là pour gagner. Donald Trump, aujourd'hui, va chercher 40% des Américains. C'est quand même pas rien, là. Avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'on a entendu comme allégation, c'est important. 40% des Américains sont prêts à voter pour lui. Marine Le Pen va probablement arriver au premier tour en tête en France en mai prochain. C'est pas rien. Donc, la déconnexion, c'est celle-là. C'est que vous pensez que c'est bon pour la société, ce que vous proposez comme projet économique. Ben, un, expliquez-le. Et deux, occupez-vous de ceux qui perdent dans ça. En même temps, c'est facile d'être aussi un peu, sinon cynique, en tout cas certainement déçu. Je vous amène sur un autre plan. Récemment, vous écriviez sur les paradis fiscaux. Là on tombe dans l'univers du presque du grotesque, tellement qu'il y a des sommes mais astronomiques là-dedans. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur les paradis fiscaux, sur l'écart des richesses, qui est aussi, quand on voit ces chiffres-là, on trouve ça, mais mon Dieu, ça donne mal au cœur. Oui. Ben oui, exactement. Puis vous avez raison de lier les deux. Les paradis fiscaux, c'est un problème aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop d'argent beaucoup trop d'argent d'entreprises et d'investisseurs investisseurs et de gens qui ont des moyens qui ne sont pas assez taxés. Il y a beaucoup de gens qui réussissent à éviter l'impôt ou en tout cas à réduire leur facture d'impôt. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est des États surendettés. C'est des États qui coupent en santé, qui coupent en éducation. C'est des États qui ont du mal à respecter leurs promesses de financement des services publics. C'est des citoyens de la classe moyenne qui, en retour, doivent payer beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes. Parce qu'on ajoute des taxes, on ajoute des tarifs, on cherche toutes sortes de façons. Un, de changer des comportements, certainement. C'est pas une mauvaise chose, par exemple, de taxer les boissons gazeuses pour que les gens consomment moins de sucre, puis bon, c'est moins d'obésité, moins de problèmes de santé publique, moins de problèmes de finances publiques, ça va ensemble, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pendant qu'on taxe, on tarife et on impose les gens de la classe moyenne, disons, on a des gens beaucoup plus riches dans la société qui ont beaucoup d'outils fiscaux pour réduire leurs factures fiscales. Ben, à l'autre bout, c'est les États qui manquent d'argent. Et après ça, les États sont en concurrence fiscale. C'est la fiscaliste Brigitte Alpin qui l'écrivait bien. C'est-à-dire que on attire des usines, des entreprises, des investissements à coût de crédit d'impôt et de congés de taxes pour avoir ces investissements, pour avoir ces emplois-là. Mais en retour, on donne beaucoup en termes de fiscalité. Et on se bat avec nos amis de Toronto, de New York, de Memphis, de Vancouver, de Paris, de Londres, de partout. On est en bataille fiscale avec nos partenaires principaux, ce qui est quand même pas rien. Donc, oui, on a un problème fiscal, paradis fiscaux, optimisation fiscale. Et quand on a des avantages fiscaux qui appartiennent juste, qui sont disponibles essentiellement à une catégorie beaucoup plus privilégiée dans la société, qui pourrait continuer à être très privilégié même en payant beaucoup de taxes et beaucoup d'impôts, quand on fait ça, on augmente les écarts de richesse, on augmente les inégalités, et là, c'est pas juste Oxfam qui dit que c'est pas bon pour la société, c'est aussi le FMI, la Banque mondiale, le G20, qui disent aujourd'hui qu'une des principales menaces à l'économie et à la croissance mondiale, ce sont les inégalités, les écarts de richesse qui grandissent. Et encore là, ça devient d'autant plus assez stupéfiant d'entendre presque des élus ou des gouvernements dire « ben on peut pas faire grand-chose ». Vous écriviez, en tout cas, il y en a plusieurs qui l'ont dit, notamment au Québec, on peut agir. Ben, moi, j'entends les experts qui me disent ça parce que je suis pas un expert en fiscalité des provinces et du fédéral. Mais j'entends Alain Deneau, j'entends Marois Risky qui est à l'Université de Sherbrooke, j'entends André Larroux chez vous à l'Université Laval qui disent « Oui, le Québec a des pouvoirs fiscaux, on a Revenu Québec et il y a Revenu Canada, il y a des ententes historiques entre le Québec et le Canada pour donner beaucoup plus de pouvoir à l'Agence du revenu ici, donc on a les pouvoirs fiscaux pour aller beaucoup plus loin ». Pour taxer davantage, pour en fait c'est pas l'idée, c'est pas de taxer davantage, mais de s'assurer que les impôts sont bien payés et de s'assurer que on peut aller chercher de l'argent là où il y en a. Oh yeah, c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1, c'est David Lemelin au micro. Et là, je discute avec le journaliste Gérald Filion et je vous fais la lecture du livre de Jacques Généreux intitulé « Les vraies lois de l'économie ». On a parlé des 11 lois que l'économiste français estime comme étant plus justes, plus susceptibles d'être des vraies lois de l'économie, si on peut appeler ça ainsi. Et ça, c'est dans la partie 1 de son livre. Il y a la partie 2 où il en présente d'autres, mais moi, je me concentre aujourd'hui sur le premier de ces deux livres. Donc, Jacques Généreux évoque ces lois, puis les ramène au véritable enjeu, dit-il, la démocratie. Il dit là-dessus, « Il s'agit en effet de démasquer la manipulation orchestrée par ceux qui exploitent l'ignorance au lieu de la combattre et qui consiste à faire passer les règles du jeu dont ils tirent le plus grand profit pour des mécanismes universels aussi nécessaires et inévitables que la loi de l'apesanteur. La soumission aux lois de l'économie est l'habillage psychologiquement supportable de la soumission des hommes à d'autres hommes. Et ce que la référence usuelle aux lois de l'économie insinue dans la culture moderne est l'effacement progressif du citoyen devant l'expert. En effet, si la science est capable de déterminer ce que sont les bonnes et les mauvaises politiques économiques, à quoi bon demander leur avis à des électeurs ignorants? Et si gouverner consiste à se conformer à des lois naturelles et incontournables de l'économie, des comités d'experts remplaceraient avantageusement les gouvernements et les parlements. C'est donc la démocratie qui est en jeu dans une réflexion sur les lois de l'économie. Que c'est intéressant tout ça, vraiment. Et ça nous ramène à plein de choses qu'on a dites ici. D'ailleurs, Gérald Filion lui-même disait qu'il a parlé de ça, la désinformation, le manque d'information qui empêche les gens de bien comprendre et de réussir à prendre position dans cette démocratie-là, finalement. Ça me rappelle aussi Yannick Marcil qui déplore lui aussi cette tendance à s'imaginer que les lois économiques sont comme les lois de la nature. Et quand généreux demande à quoi bon, finalement, demander l'avis des citoyens, à quoi bon un parlement, ben ça me rappelle une chose, c'est peut-être un élément de réponse, si je puis me permettre. C'est dans le livre, c'est pas dans le livre, mais vous l'avez, ben vous savez peut-être, je sais pas, mais bref, Adolphe Thiers a été président de la République française entre 1871 et 1873. Et quand la question s'est posée s'il fallait se débarrasser de la monarchie, Thiers a dit qu'il fallait soutenir l'idée de république. Ouais. Ah oui, mais pourquoi donc? Ben, je vais laisser le soin à Henri Guillemin, un historien et conférencier français mort en 1992, le soin de vous le dire, et je vais faire le lien par la suite. Toujours intéressant, j'admire beaucoup Henri Guillemin. C'est vrai qu'il veut la république, Thiers. Et pourquoi la veut-il? Deux raisons, comprenez-moi bien, c'est des choses que je n'avais pas vues autrefois, ça. La monarchie est moins forte, un système monarchique est moins fort que les systèmes républicains pour faire tenir tranquilles les pauvres gens. Pourquoi ? Parce que quand c'est le roi qui parle, on peut toujours mettre en cause la volonté royale. On pourrait dire, ben, c'est un homme qui ne veut pas que nous améliorions notre situation. Tandis que s'il y a une révolte de pauvres, sous la République, c'est-à-dire sous le régime du suffrage universel, l'autorité qui va contraindre ces gens à rentrer dans leur tanière, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle volonté nationale. Du moment qu'il y a suffrage universel, que le suffrage universel s'est prononcé, que nous avons avec l'Assemblée ce que l'on appelle la volonté de la nation, cette volonté de la nation, qui est en fait la volonté des notables, est autrement forte qu'une simple volonté royale pour faire tenir tranquilles les misérables. La République est une manière de coincer les pauvres, bien meilleure, selon M. Thiers, que ne l'était la monarchie. Un. Deuxièmement, là je voudrais vous apporter une citation de Jean-Jacques Rousseau, que j'ai découvert absolument par hasard, mais qui va tellement bien à ma pensée. Rousseau écrivait à D'Alembert, « Jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. En revanche, dans une république, elle peut aisément le mettre, ce particulier, au-dessus des lois. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans une république, les lois sont faites par qui ? Elles sont faites par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale ? C'est soi-disant le suffrage universel. Qu'est-ce qu'en fait le suffrage universel ? C'est ce que veulent les notables. Par conséquent, dans une république bien conduite, c'est l'argent qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime démocratique bien orienté pour la protection de l'argent. Voilà pourquoi Thiers est républicain. Voyez, je ne sais pas si vous suivez, c'est quoi le lien? En fait, c'est que Guillemin dit, au fond, la République, c'est le meilleur moyen de contrôler les petites gens, avec un Parlement bon pour les notables, c'est l'idéal parce que, avec le vote, on obtient la légitimité de la nation. Et ça, c'est fort, bien plus fort que la force d'un seul homme qui dirige une monarchie. Eh bien, pour l'économie, c'est pareil, en quelque part. Parce qu'en ayant des élections, ça donne une légitimité à un système qui est pourtant désavantageux pour la masse, dans une certaine mesure en tout cas, et l'élection laisse le champ libre. Et regardez d'ailleurs, le premier ministre Couillard a vanté les mérites du libre-échange avec l'Europe en disant que les études disent que c'est merveilleux, même pas de nuance. Gouvernement Trudeau, pareil, ne lutte pas contre les paradis fiscaux. Pourquoi faire? C'est légal. Oui, c'est vrai, c'est légal. Ça respecte les lois. Alors à quoi bon un parlement, demandait Jacques Généreux? Ben, ça sert à ça. Ça sert à donner les coups des franches à ceux qui croient que les lois de l'économie, ben, ce sont des lois de Dieu. Alors maintenant, troisième et dernière partie de l'entretien que j'ai eu avec Gérald Filion. Ici, on va parler des politiciens qui ne s'enfargent plus dans les détails, en fait. C'est comme ça qu'on le dit. On parle aussi de l'avenir. Et vous verrez que malgré tout ce qui a été dit, quand même, Gérald Filion est optimiste. D'abord, on vit dans des sociétés où les politiciens ont beaucoup d'antennes, beaucoup d'espace. C'est tout à fait correct parce qu'on est au cœur de la démocratie, alors nos politiciens doivent répondre et être redevables. Mais on vit aussi dans une réalité, puis ça, on vient pas de l'inventer, ça fait longtemps que c'est comme ça, ça va vite. Les gens ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'information, à consacrer à écouter nos politiciens. Et dans les médias, ça va assez rapidement, donc on cherche les clips, on cherche les images simples. C'est parfois simpliste. Donc on résume, on raccourcit, on simplifie, on tourne les coins ronds, on y va quasiment parfois à coups de demi-vérité. Donc les messages sont captés par des gens pressés qui ont d'autres choses à faire, parce qu'il y a trois enfants dans la maison, puis il y a un problème avec le robinet ce soir, donc faut le réparer. Donc on en non, mais c'est vrai. Oui. Moi, je travaille dans les médias, mais on est toujours en train d'intervenir dans la vie des gens, puis vous aussi, vous faites ça, dans la vie des gens qui sont en train de faire autre chose pendant qu'ils nous écoutent ou qu'ils nous regardent. Il y a beaucoup de monde qui s'arrête et qui écoute attentivement, mais il y a beaucoup, je pense, une majorité de gens qui sont en train de faire autre chose pendant qu'ils nous écoutent, donc ils captent des messages. Donc, le politicien qui veut faire passer un message et qui veut influencer l'opinion publique et qui veut faire une pression pour gagner un point, il va pas s'enfarger dans les détails. Et d'ailleurs, les politiciens qui sont trop compliqués quand ils parlent, on les écoute pas, on les entend pas, ils ont pas d'extrait à l'antenne et on comprend pas ce qu'ils disent parce qu'on n'écoutait pas au début quand ils ont commencé à parler, donc on n'a pas capté. Oui, les messages sont simples, sont parfois simplistes. Et puis, moi, dans mon travail, j'essaie de me débattre avec tout ça puis de dire, on vous a dit ça, mais regardez, le vrai chiffre, c'est celui-là. Puis on va attirer votre attention sur celui-là. C'est ça, dans le fond, qui est en train de se passer. Est-ce que vous sentez aussi qu'on veut, en quelque part, parce que je me souviens, c'était un peu la thèse de Yannick Marcil dans notre première émission, à dire le langage est tellement enrobé aussi d'économie qu'on veut comme, peut-être en quelque part, vous garder à l'écart. On va s'occuper de ça, occupez-vous de vos affaires, l'économie c'est bien compliqué. Ah ben oui, c'est clair. L'ouvrage de Yannick, d'ailleurs, est très bien là-dessus parce qu'il a identifié beaucoup de mots qui sont utilisés pour... soit nous faire croire quelque chose ou s'assurer qu'on comprenne pas quelque chose et qu'on passe à autre chose. Moi, je suis dans un tout autre univers. Je cherche, puis je vais dire avec toute la plus grande modestie qui peut m'habiter, pas celle de Donald Trump, mais la mienne, je cherche à éclairer, mais vraiment éclairer. Et quand il y a des mots trop compliqués, je les explique à mesure. Et il y a des gens, des fois, qui m'écrivent et qui me disent « Vous parlez de S&P 500, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? » Ouais. Alors, il faut l'expliquer, puis il faut expliquer continuellement. Les journalistes sont là pour dénicher la nouvelle, mais ils sont aussi là pour l'expliquer, l'éclairer, la contextualiser. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps d'antenne pour le faire, mais j'essaie de le faire. J'essaie de prendre le temps d'antenne pour le faire puis donner un éclairage le plus lumineux possible. Perspective d'avenir, comment vous voyez ça? Parce que on parle beaucoup de la place, l'économie mondiale, la place du marché. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu plus victime du système économique global que d'autres choses. Est-ce que vous êtes quelqu'un de positif? Comment vous voyez ça, vous, devant nous, si on joue un peu à la boule de cristal? Ben, quand je regarde où on s'en va, généralement, j'ai un petit peu tendance à être pessimiste. Je suis personnellement très optimiste dans la vie et très positif. Mais j'ai le goût d'être optimiste et positif, justement, en pensant aux plus jeunes, parce que là, j'ai déjà l'air vieux quand je dis ça, mais quand je regarde les 20-25 ans, ce qu'ils font en ce moment, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils savent qu'ils n'auront pas les mêmes retraites que les baby boomers et même que moi. Ils savent qu'ils n'auront pas ces retraites-là de la même façon. Ils savent que ils sont conscients qu'il y a des pressions financières sur les États. Ils l'entendent, ils le voient, ils le constatent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des solutions. il trouve des solutions, puis il nous envoie promener aussi en même temps, parce qu'en disant excusez-nous, là, mais c'est parce que vous êtes en train de scraper la planète pendant que c'est nous qui allons vivre avec, donc on va en trouver des solutions. Alors, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs dans ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent à des nouvelles applications, à des solutions pour mieux vivre ensemble dans la collectivité. Il y a des gens qui ont des visées humanitaires, sociales, environnementales. J'ai le goût d'être optimiste, j'ai le goût de penser à ça et de me dire que ces jeunes-là ont un discours beaucoup plus réaliste sur et beaucoup plus conscient sur l'état de l'économie, sur les écarts de richesse, sur les problèmes environnementaux qui se développent à vitesse grand V devant nous. Je pense qu'ils sont conscients de ça et je pense qu'ils agissent pour ça. Donc, j'ai le goût d'être optimiste. Mais en même temps, ce que je vous décris là, quand je vous parle de désinformation, des inégalités, des paradis fiscaux qui persistent, et quand je vous parle des problèmes d'éducation aussi, le décrochage qui est encore trop élevé, quand on voit ça, on a l'impression qu'on s'en va dans le mur, en quelque sorte, et qu'il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait un réveil. Peut-être qu'on est dans tous ces excellents en ce moment, puis que ça va dégénérer en... Mais je n'en ai aucune idée. Là, on est en train de faire de la boule de cristal. J'ai aucune idée. L'humain s'adapte beaucoup. On se transforme. On s'ajuste beaucoup aux différentes situations. Donc, j'ai très bon espoir qu'on va réussir, je l'espère, à surmonter les défis environnementaux, les défis sociaux, les défis économiques, puis qu'on va être meilleur plus tard. Mais je pense que ça va passer par les jeunes aujourd'hui qui sont nés avec un téléphone mobile dans les mains, puis branché, connecté, ouvert sur le monde. Et ces jeunes-là seront au pouvoir bientôt, vont diriger les organismes, donc arriveront avec leur propre héritage. Ben voilà, exactement. Donc, ils vont être au pouvoir bientôt, vous l'avez dit, je pense qu'ils vont être au pouvoir beaucoup plus jeunes que les générations précédentes. Donc, ça va vite de toute façon, donc si on est en retard là sur les technologies, si on comprend pas ce qui se passe dans la société, en même temps, c'est pas une question d'âge, hein, parce que je regarde ce que Bernie Sanders a fait aux États-Unis. Bernie Sanders, 74 ans, est allé chercher tous les jeunes avec un discours qui est en phase, mais vraiment en phase avec le social, l'économique, l'environnemental. Vraiment avec du réel qui est collé aux préoccupations des gens en ce moment, sans jouer sur les peurs. Lui, il a joué sur les espoirs et le meilleur des gens. M. Trump joue beaucoup plus sur les peurs des gens. Il va chercher M. Trump, comme M. Sanders le faisait aussi, puis Yannick Marcil, puis Éric Pinault nous en ont déjà bien parlé de ça. Mais ces deux-là vont chercher des gens qui se sentent exclus, à l'écart du système, qui se sentent hors système, qui en ont marre du système. Mais l'un le faisait, M. Sanders, en jouant sur le meilleur des gens, et M. Trump va chercher le pire des gens, c'est-à-dire vraiment les rancœurs, les peurs, la violence qui sommeille en nous. On a tout ça en nous, là. On a de l'espoir, du positif, du négatif, de la violence, de la colère, de la peur, de la crainte. On a tout ça en nous. Alors, sur quel piton on pèse? Alors, M. Sanders semblait peser un peu plus sur les boutons qui étaient positifs et qui étaient meilleurs en nous, alors que M. Trump fait le contraire. Bon, ben vous suivrez l'élection américaine avec beaucoup d'intérêt, j'en suis convaincu. C'est clair. Donc, ça passe par les jeunes, on l'a entendu. Effectivement, c'est un point de vue qui se tient. Et je reviens au livre de Jacques Généreux. Après avoir parlé de démocratie, il y revient à la question de base, les lois. Est-ce que ce sont effectivement des lois, ce que l'on voit comme étant des règles immuables, des vérités scientifiques coulées dans le béton? On comprend que non, bien sûr. Il explique en fait que si vous prenez isolément les économistes un à un, ben vous en trouverez fort peu pour dire que ce sont des lois comme des lois de la nature. On peut rien contre la pluie, c'est une loi de la nature, mais la loi des rendements factoriels décroissants, ben c'est pas une vérité gravée dans la pierre. C'est, on peut facilement y trouver plein de nuances, plein de cas où ça s'applique pas comme on croyait. Bref, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu et qui viennent modifier l'idée de départ. D'ailleurs, si c'était si immuable et prévisible, ben, vous pensez pas que tous les économistes seraient milliardaires? Probablement. Alors quoi? Ben, c'est que ce sont pas des lois de la nature, nous dit Généreux, mais des lois des hommes. Il écrit là-dessus. Aussi est-il paradoxal de constater que précisément à l'époque où la science économique elle-même renonce à considérer ses prescriptions comme des ordres de la nature, le discours dominant met en avant les lois de l'économie pour ordonner le retrait du politique, la soumission de la volonté politique. Le paradoxe n'est qu'apparent. Il rappelle seulement que le discours politique est rarement fondé sur la science, mais exploite et instrumentalise le discours scientifique pour servir ses visées immédiates. En l'occurrence, la victoire politique du néolibéralisme ne peut s'afficher comme une victoire des puissants sur les faibles, des riches sur les pauvres. C'est pas une belle pub. Il faut donc maquiller sa victoire politique en nécessité scientifique pour décrédibiliser et décourager la contestation. Partir à la recherche des vraies lois de l'économie, c'est justement procéder au démaquillage du discours économique pour identifier la vraie source des ordres qui gouvernent les rapports sociaux. On découvre que les théorèmes de l'économie sont rarement de même nature que le théorème d'Archimède. Mais si l'économie échappe à la nécessité de la nature, elle n'est pas pour autant livrée au hasard. Et si l'ordre qui la gouverne n'est pas mécanique, il est nécessairement humain et donc amendable. La guerre que beaucoup de nos concitoyens croient aujourd'hui engagée entre les lois des hommes et lois de l'économie n'aura pas lieu, puisque ces dernières, fussent-elles parfois inhumaines, sont des lois des hommes. Puis enfin, lorsqu'on a survolé les vraies lois de l'économie présentées par Jacques Généreux, on arrive en conclusion à répondre à la question de fond. Hein, pourquoi y a-t-il des économistes qui osent encore soutenir ces lois qui ne sont pas des lois finalement? C'est ce qu'on comprend. Mais la réponse, il cite le prix Nobel George Stigler qui dit ceci. « Eh bien, ce n'est pas la science économique qui est fausse, c'est la réalité. » Ah oui, OK. C'est donc pas une science économique qu'on nous présente, mais bien une théologie économique, nous dit Généreux, qui énonce une vérité transcendante au-delà du réel, au-delà de l'histoire. Religieux donc, George Stigler n'est pas saint Thomas, en fait. Il ne croit pas que ce qu'il voit, il ne voit que ce qu'il croit. Donc on voit bien ce qu'on veut voir, autrement dit. Hein? Gigantesque nuance. Hein? Et pour jouer un peu au dîner de cons en terminant, ce n'est pas parce que ce qu'ils disent est juste qu'ils ont raison, mais l'inverse. Ils ont raison, donc ce qu'ils disent est juste. Vous me suivez? Ah, c'est... Il n'a pas de prénom. Alors, les vraies lois de l'économie aux éditions du Seuil, c'est en 2001 pour le volume 1, mais en 2005, ils les ont réunis. C'est la version que j'avais pour qui regroupe les deux volumes. Un beau livre, un bon livre qui peut rester sur la table de chevet, comme une Bible, pour servir de temps en temps. C'est déjà tout pour nous, donc merci infiniment à notre invité Gérald Filion. Ce fut absolument passionnant. La semaine prochaine, je lirai des extraits du livre intitulé « Le profit avant l'homme » écrit par Noam Chomsky. Manquez pas ça. L'émission Le grain de sable suit à l'instant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Merci. À samedi prochain.